On l'a partagé, un gilhomme de skunk avec deux rastagères. Y'a personne qui disait rien, on s'est envapé pendant 3 heures. En hochant la tête au rythme du dub qui chauffait dur. La basse était si forte qu'on sentait les vibrations jusqu'en Jamaïque. Only when you're still kept this coming, cross ignorant, you act actually. Don't let me talk. la basse était si forte qu'on sentait les vibrations jusqu'en Jamaïque.